boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Wipe a fly to the burning sky. Chased you down to the sea. Spread your wings in the raging sun. Show the world you are free. Why above, won't you take me far away from here? Why si je suis très content de vous retrouver pour ce 247e Pop and Rock, je ne sais pas encore de quoi il sera constitué, mais comme d'habitude, il y aura des nouveautés comme le White Bird de The Coral que nous venons d'écouter, mais également quelques habitués et pourquoi pas quelques oldies but goldies comme tout de suite. Thank you, frailty. Gonflé, c'est gonflé, puisque classer Alanis Morissette dans le clan des Oldies But Goldies, c'est un peu exagéré, puisque pour rappel pour moi, les Oldies But Goldies sont tous issus des années 80, de Cure à Springsteen, en passant par AC/DC et autres Depeche Mode, ou encore la bande Michael Stipe, R.E.M. Looking ugly, looking ugly at me. Knew what you were saying to me. Baby's got some new rules, baby said she's had it with me. Seems a shame to waste your time on me. Seems a lot. Michael Stipe et son R.E.M. qui invitait il y a bien longtemps Kate Pearson, ex des B-52s, pour chanter Me in Honey. Ouais, le Michael Stipe aime bien chanter avec des voix féminines comme dans le fabuleux Ghost, dans lequel Christine Hirsch l'avait invité il y a maintenant bien des années. If I walk down this hallway tonight, it's too quiet, so I pad through the dark and call you on the phone. Push your old numbers and let your house ring till I wake your ghost. Let him walk down your

I'm not even sure if there is anyone who is in the sun. Will you help me to understand? 'Cause I've been caught in between all you wish for and all you need. Or maybe you're not even sure what it's for any more than me. May God's love be with you always. Always. May God's love be with you always. Always. May God's love be with you always. Always. May God's love be. Dis donc, le programmateur, tu parlais d'envoyer quelques nouveautés et là on en est déjà à 5 titres et que du réchauffé. Oh, pas faux la voix off. Bien écoute, ça tombe bien car le 27 octobre 2023, un duo épique composé d'une chanteuse assez charismatique, Alison Mosshart, et un guitariste aux doigts énigmatiques, Jamie Hinz, sortent God Games. Alors on ne se casse pas la tête, on envoie New York, piste 1 du nouvel album de The Kills. Thank you. Comme toujours, il faut au moins 3 bons titres dans un album pour que Pop & Rock le valide. Alors, piste 2 de God Games, des Kills, voici Going to Heaven. Slow dancing with the bottle of lightning breaking down your thunder striking, moving like my body double. You flash your bread and butter, I'll stay and meet them after. Be right back, I'm going to heaven. Be right back, I'm going to heaven. Kiss me. Je ne sais pas si les titres du dernier album des Kills ont été influencés par le lieu dans lequel ils ont été enregistrés, mais vu les titres, c'est fort probable. God Games, Going to Heaven, Kingdom Come Way. Les Kills auraient enregistré tout ça au fin fond d'une vieille église, mais trêve de bavardage. Voici le troisième et dernier titre du soir, issu du dernier album des Kills. Mm-hmm. C'est bon la voix off, la nouveauté t'a plu? Ouais, pop, pas mal. Même si sur la longueur, les kills, ils m'ennuient un peu, mais bon, chacun ses goûts. Oh là là, mais t'es bien grincheux ce soir la voix off. Allez, je vais te faire un petit plaisir. Hein? Allez, allez, les smashing, les smashing. Hé, écoute et tu verras. I beg your pardon. We'd like to do a song by Thin Lizzy. I'm related to Phil Lynott, so it's okay. So. King Gizzard and the Lizard Wizard. Et on répète après moi, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ouais, la Terre australe qui a accouché de l'exubérante Kylie Minogue, de AC/DC, de NXS ou encore de Midnight Oil, a accouché également des six potes étranges, voire psychédéliques, de King Gizzard and the Lizard Wizard. We'll be right back. 60s, poison, soil, and felt trees. Once paradise, now wasteland. Shadow on the moon expanse. Set tries chaos, but too late to unseal our future's fate. Can't. Bon, soyons francs, si les albums précédents des Australiens de King Gizzard and the Lizard Wizard m'avaient plu, en tout cas un petit peu surpris, cette fois le côté trop électro me coince, alors vite, prenons une bonne dose de rock lourd et suant les guitares. Non, ça sera pas Bob Mould, ce sera les White Stripes. We'll be right back. Dans les étrangetés de cette année 2023, il y a eu la reformation au complet de Duran Duran. Ouais, ouais, Duran Duran est dans Danse Macabre. Nombre de reprises s'y trouvent, mais pas des reprises de leurs propres titres. Non, non, non, des reprises de standards. Attention, voici Duran Duran qui s'essaye au cover. J'ai bien dit attention. Ouais, c'était une reprise pour le moins originale de Painted Black des Rolling Stones. Je pourrais aussi vous envoyer une autre reprise, celle de Psycho Color des Talking Heads. Mais ouais, ça semblerait peut-être plus adapté à Duran Duran. Mais sérieux, je ne le peux pas. L'original, c'est souvent mieux. Better run away. La semaine passée, nous avons découvert les décalés Bombay Bicycle Club et comme une envie impérieuse me vient de les écouter à nouveau, My Big Day, version live, arrive issue du dernier album de Bombay Bicycle Club. You don't need to look so appalled. I take care of it all. It's my destiny. Just called to say I'm happy as can be. I'm melting away. Don't get mad at me. I'm just sleeping lightly, 'cause it's my big day and I'm wasting it away gladly. Aerosols drifting through the halls at high decibels. Have I really lowered the bar, or am I working hard? Inspirational. And I Ce soir, comme tous les lundis entre 17h et 18h, et ce je l'espère encore pendant un certain temps, tant que la force sera avec nous, vous écoutez Pop & Rock sur la très locale RVR au 104.6. We'll be right back. Ne cherchez pas le I'm a Star qui vient de passer, vous ne le trouverez nulle part ailleurs que ici même dans Pop and Rock. Citron, groupe français qui au début des années 90 a essayé, mais sans succès. Petit hommage donc encore à un énième cadavre exquis du rock français avec lequel je vous propose de nous quitter. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous.